Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais parler à quelqu'un qui se plaint. Dieu n'oublie jamais tout ce que tu as fait pour lui. Tu as soutenu son œuvre. Tu as semé. Tu as donné tes dîmes, tes offrandes. Sache qu'il y a un temps où le Seigneur va se souvenir de toi et tu vas recueillir ce que tu as semé. Oui, prends courage. Continue à faire le bien. Continue à servir ton Dieu et tu verras sa gloire. Réveille-toi. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille ton voisin. Nous sommes à notre temps de prière OSB. Opération sur la brèche. Nous prions avec les psaumes 76. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons le psaume 76. Au chef des chantres avec instrument à cordes. Psaume d'Azaph. Cantique. Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre. Tous ces vaillants hommes à ta menace, Dieu de Jacob. Ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi, qui peut te résister quand ta colère éclate. Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre, l'homme te célèbre même dans sa fureur quand tu te réveilles de ton courroux. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Amen. Je voudrais partager trois vérités tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Dieu manifeste sa grandeur et sa puissance là où il règne. Là où Dieu règne. Il manifeste toujours sa grandeur et sa puissance. Dans ce psaume, Asaph montre que c'est dans Israël, Jérusalem, le lieu où Dieu a choisi pour régner, qu'il manifeste sa présence. Pour nous, Jérusalem symbolise la présence de Dieu, le lieu où il règne. Si Dieu règne dans ta maison, si Dieu règne dans ton église, il va manifester sa grandeur, sa puissance. Si Dieu règne dans une nation, il va manifester sa grandeur et sa puissance. Ici, on nous parle de Juda, Israël, Salem, Sion. Toutes ces expressions servent à montrer que c'est là où Dieu manifeste sa présence, où sa grandeur, sa puissance se manifeste. Quand il est dit au verset 2, Dieu est connu en Juda. Son nom est grand en Israël. Nous savons que Juda, c'était le nom du royaume du sud qui a été déporté en captivité à Babylone. Israël, c'est le nom du royaume du nord qui avait Samarie pour capitale. Sa tente est à Salem. Salem, c'est un ancien nom, oui, de Jérusalem. Vous voyez, il y a des parentés entre Salem et Shalom. Vous voyez, comme le lieu de la paix. Sa demeure est à Sion. Sion, c'est la montagne sainte. C'est aussi le nom de cette montagne où a été bâti le temple de Jérusalem. Sion symbolise aussi Jérusalem. C'est pourquoi les peuples juifs, on les appelle aussi les sionistes. Donc, Dieu manifeste sa présence et sa grandeur. Il est dit au verset de « Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël, sa tente est à Salem, sa demeure est à Sion, c'est là qu'il a brisé les flèches, les boucliers, l'épée, les armes de guerre. » Nous voyons ici les évidences de la manifestation de la grandeur et de la puissance divine. Qu'est-ce que Dieu fait quand il manifeste sa puissance? Il brise les flèches, il brise le bouclier, il brise l'épée et les armes de guerre. En d'autres termes, lorsque Dieu règne, ses ennemis ne peuvent rien faire. Oui, si toi tu es du camp de Dieu, tu es du camp de celui qui s'appelle l'Éternel des armées, laisse-moi te dire qu'il va combattre pour toi. Il va briser les armes de guerre. C'est pourquoi quelque part Isaïe pouvait dire, toute arme forgée contre toi sera sans effet, parce que tu as un Dieu qui brise les armes de guerre, qui brise les flèches de l'ennemi. Deuxième vérité, Dieu est plus puissant que nos ennemis. Oui, nous n'avons pas besoin d'aller invoquer la sirène des eaux. Nous n'avons pas besoin d'aller consulter les marabouts pour avoir la protection. Non, nous avons un Dieu qui est plus puissant que toute autre divinité. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est plus puissant. Il est dit au verset 5, « Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. » L'expression « montagne des ravisseurs » sert à montrer l'armée ennemie. Et ici, le contexte, c'était l'armée de l'Assyrie, au temps du roi Sankérib, qui est venu pour combattre contre le peuple de Dieu. « Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. » Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. Vous voyez ici, vous allez trouver ces récits dans 2 Rois, chapitre 19, verset 35, qui nous montre que lorsque le roi Sankérib, le roi d'Assyrie, est venu combattre le peuple d'Israël, oui, le peuple d'Israël s'est tourné vers l'Éternel et il a envoyé un ange qui a frappé 85 000 hommes parmi les Assyriens. Ils ont été dépouillés. Lorsque Dieu se lève à notre faveur, tous nos ennemis, les puissances sataniques, les démons ne peuvent rien faire. Ils seront mis en déroute, ils seront dépouillés. Ça nous rappelle ce que Jésus a fait sur la croix de Golgotha. Colossiens 2, verset 15 dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez ici les éléments qui montrent que notre Dieu est plus puissant. Nous allons citer 5 éléments qui sont mentionnés dans cette psaume. D'abord, il dépouille nos ennemis. Il est dit au verset 6, ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Dépouiller veut dire enlever tout ce qui constitue la force d'un ennemi. Lorsque par exemple une armée va au combat, il dépouille l'armée adverse, il enlève même tout ce qu'il y a comme arme de guerre. Parfois on enlève même les tenues militaires, on enlève les chaussures, on enlève les ceintures, c'est-à-dire on dépouille. Oui, notre Dieu dépouille nos ennemis, comme Jésus a dépouillé Satan et les démons sous la croix de Golgotha. Qu'est-ce qu'il fait encore qui montre qu'il est plus puissant? Il menace nos ennemis. Il dit au verset 7, « À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. » Troisièmement, personne ne peut résister à ce Dieu-là. Personne. L'ennemi ne peut pas lui résister. Quatrièmement, il prononce une sentence contre nos ennemis et il justifie, il rend justice à son peuple. Il est dit ici, au verset 9, « Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. » La terre est effrayée, s'est tenue tranquille. Verset 10, lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, je vais dire à une dame, écoute-moi bien, le Dieu que nous invoquons s'appelle Yahvé Tchikenu. Quand il te rend justice, il va neutraliser tes ennemis. Est-ce que tu comprends? Laisse Dieu combattre en ta faveur. Il va te rendre justice. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il abat l'orgueil des princes. Quand il y a des gens qui sont orgueilleux, comme ce fut le cas du roi Sankérib, il a prononcé des paroles incantatoires, des paroles arrogantes contre l'Éternel. Il a mal fini sa vie. Non seulement que son armée a été vaincue, parce que Dieu a envoyé un seul ange pour frapper 85 000 personnes, mais lui-même aussi, il a fini mal sa vie parce qu'il a été tué. Il abat l'orgueil de prince. C'est pourquoi tu ne dois pas être orgueilleux, mon frère. Tu ne dois pas être orgueilleux, ma soeur. Quel que soit le poste que tu occupes, si tu es orgueilleux, Dieu risque de t'abattre. Il va te rabaisser. Troisième vérité, faisons nos vœux et accomplissons-les. Lorsque tu fais un vœu à l'Éternel, lorsque tu fais un vœu pour soutenir l'œuvre de Dieu, mon ami, mon frère, ma soeur, il faut l'accomplir. Je veux parler à quelqu'un. Tu veux aller jusqu'à la fin de l'année. Tu ne dois pas entrer dans l'année nouvelle sans accomplir le vœu que tu as formé à Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a béni. Le poste que tu occupes, c'est Dieu qui t'a donné. Si tes affaires marchent, c'est parce que Dieu t'a béni. Si tu es parti en voyage, c'est parce que Dieu t'a béni. Tu es revenu. Si tu as fait des performances, c'est parce que Dieu t'a béni. Il faut que tu prennes le vœu que tu as formulé comme une priorité. Regarde combien d'argent tu dépenses dans d'autres choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais tu fais un vœu pour l'œuvre de Dieu et tu ne veux pas l'accomplir. Non. Vous voyez, il est dit au verset 12. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Bien-aimé, ce mois de décembre, c'est un mois où chacun de nous devrait manifester la reconnaissance à ce Dieu-là. C'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui a fait beaucoup de choses. Si cette radio, si OSB est pour toi une bénédiction, manifeste ta reconnaissance au Dieu. Apporte ton don pour soutenir l'œuvre de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Oh Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu le miracle. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Surpasse toute puissance, Dieu de miracle, inébranlable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, incomparable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracle, inébranlable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu victorieux, Dieu victorieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Si notre Dieu est pour nous, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous, Dieu? gloire à Dieu. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Élève ta voix, mon frère. Bénis-les. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, Révérend Dieudonné Ngoumbi. Que Dieu bénisse tous ceux qui suivent OSB. Nous vous annonçons notre grande rencontre à Abidjan, où tous ceux qui prient avec OSB se rassemblent. Nous appelons ça OSB Action de Grâce. Nous serons dans la commune de Cocody, plus précisément à Riviera Faya. On sera à l'auditorium de la mission Ephrata. Nous serons le samedi 28 décembre à partir de 9h jusqu'à 13h. Que Dieu bénisse vous tous qui priez avec OSB. Venez, venez rendre grâce à Dieu. Venez manifester votre reconnaissance. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 76. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il manifeste sa grandeur et sa puissance dans nos vies. Tu vas dire, Seigneur, manifeste ta présence et ta puissance dans ma vie. Manifeste ta grandeur, ta puissance dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous magnifions ton Saint-Nom. Toi qui es pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de mer mugissent. Écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous sommes dans la joie lorsque nous invoquons ton nom, parce que nous savons que tu nous gardes, tu nous protèges et tu nous sécurises. Nous nous tournons vers toi, ô Père éternel, et nous demandons que tu interviennes dans notre vie chaque jour, que tu nous guides dans tout ce que nous entreprenons, que tu nous assistes et que tu sois toujours pour nous un secours, un refuge et un appui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, ô Père éternel, pour tous ceux qui traversent des moments délicats en ce moment. Nous demandons, Père, que tu interviennes et que tu les délivres, que tu interviennes et que tu les relèves, parce que ton Fils Jésus-Christ, c'est lui qui nous relève dans nos chutes. Ton Fils Jésus-Christ, c'est lui qui combat pour nous dans nos luttes. Nous prions au Père éternel et nous te remercions pour ton intervention. Nous te remercions pour ta main puissante qui nous guide chaque jour. Ce matin, nous nous tournons une fois de plus vers toi et nous te disons merci. Merci pour la sécurité. Merci pour la protection. Merci pour la guidance. Merci pour l'assistance. Merci pour le renouvellement de nos force. Père, que serions-nous si nous n'avions pas mis notre foi et notre espérance en toi, une espérance vivante? C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de te dire merci. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu est plus puissant que nos ennemis. Il dépouille nos ennemis. Il brise les armes de guerre. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Chacun de nous va dire, Seigneur, lève-toi. Combats ma faveur, comme tu as combattu contre les Assyriens au temps de Sennacherib. Mets en déroute tous ceux qui me combattent et manifeste ta puissance, ta justice. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Sois béni ce matin, sois glorifié, sois acclamé. Nous voulons nous agenouiller devant toi, nous incliner devant toi. Notre Seigneur, lève les mains vers toi parce que tu es le Saint des Saints. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Maître du ciel et de la terre. Ce matin, nous voulons te prier, notre Dieu, notre Père, de manifester ta justice dans notre vie parce que tu es le Dieu de justice. Tu vois cette injustice galopante dans nos villages, là où nous travaillons, partout où nous sommes. Mais nous te prions que ta justice se manifeste. Pour que la joie de tes serviteurs soit une joie parfaite. Combat nos ennemis, notre Dieu, notre Père. Combat nos ennemis. Tu nous as demandé dans ta parole que c'est à toi revienne, notre Dieu, la vengeance. Manifeste-toi, Seigneur. Lève ta main sur le camp de nos ennemis. Mets la confusion, mets la défaite, mets la débandade, mets la clé des champs. Dieu Tout-Puissant. Il ne peut pas continuer à nous maltraiter, à manifester l'injustice. Dieu de justice, à qui irons-nous c'est vers toi? Le Dieu vivant, le Dieu plein d'amour, le Dieu qui agit toujours, le Dieu qui ne vient jamais en retard. Nous comptons sur toi. Manifeste-toi, tu nous as fait des promesses et nous ne faisons que te prier jour après jour. Nous voulons ta justice dans nos familles. Nous voulons ta justice là où nous travaillons. Nous voulons simplement la manifestation de ta justice pour que notre joie soit une joie véritable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui ont fait des vœux, mais qui ne se sont pas encore acquittés de ces vœux. Que Dieu leur donne la grâce. Peut-être qu'il y a ceux qui ont des difficultés, que Dieu les bénisse. Ceux qui ont fait des engagements, particulièrement pour soutenir Fréquence Vie, les amis de Fréquence Vie, ceux qui ont pris l'engagement, que Dieu les bénisse, que Dieu leur donne les moyens afin qu'avant la fin de l'année, ils puissent s'acquitter de leurs engagements dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Oh Esprit. Opération sur la brèche. Dieu très bon, Dieu tout puissant, Dieu merveilleux, Dieu grand et redoutable. Ce matin encore, nous venons à toi pour ainsi glorifier ton nom, pour tes merveilles sans fin, pour ta célébrité qui nous prouve encore ton amour, pour ta grâce qui est infinie dans notre vie. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées. Merci pour tout ce que nous avons reçu de toi. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et tu nous donnes tant de choses en bien matériel, en santé, en bien financier, en bénédictions de tout genre. Mais nous sommes ingrats dans le donner. Nous sommes, oh Dieu, lents à donner. Nous ne sommes pas assez reconnaissants. Et ce matin, tu nous interpelles car tu veux que nous donnions encore pour soutenir la radio Fréquence Vie, pour ce qu'elle fait pour nous, parce qu'elle nous édifie, elle nous fortifie, nous encourage et surtout, elle évangélise, appelle les âmes à la conversion. Elle nous donne des témoignages, elle nous permet de nous maintenir en prière, elle nous permet, oh Dieu, d'être connecté avec toi pour toutes ces bénédictions. Comme l'un des 10 lépreux qui est revenu sur ses pas pour dire merci à Jésus par les dons, les bénédictions financières et matérielles que tu nous donnes de revenir pour être reconnaissant à la radio Fréquence Vie. Alors, pour toutes ces personnes qui ont fait des vœux, merci de leur donner cette option de revenir pour renouveler leur engagement. Pour tous aussi qui veulent donner en cette fin d'année pour l'évangélisation, merci de leur accorder cette force de venir appuyer la radio Fréquence Vie. Merci Seigneur, en retour, bénis-les, transforme leur vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur.